Du 17 au 23 février 2020, c'est la semaine de la pêche responsable. Saviez-vous que dans les Hauts-de-France, des pêcheurs s'engagent pour l'environnement? De Dunkerque à la baie de Somme, des pêcheurs de l'organisation de producteurs From Nord ont obtenu la certification MSC pour leur pratique de pêche durable. Ils pêchent de la sole au filet, du hareng au chalut ou encore du lieu noir, du cabillaud et de l'aigle fin pêchés de la mer du Nord jusqu'en Arctique. Choisissez du poisson qui porte le label MSC pour les soutenir et découvrez-les vite sur msc.org/fr. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse De la plante aux médicaments, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a des cachets que l'on casse en deux ou des gélules qu'on avale avec un verre d'eau. Il y a la curiosité de savoir quelles substances les composent et la surprise d'y trouver du saule, des champignons ou du pavot. Et puis il y a des intérêts qui se croisent, parfois au point de s'en mêler. Alors pour commencer, les personnages. Des patients patients, des industriels gourmands, des représentants, des hémophiles, des médecins sous pression, des lanceurs d'alerte, des avocats et une juge d'instruction. Ensuite, le décor. Une documentation impossible à lire, des essais thérapeutiques, des actions collectives, des monopoles, des brevets et des scandales sanitaires. Aujourd'hui, 4e épisode, parfois on dirait que c'est fait exprès. Excusez-moi. Oui, Walter. Non, écoute, non, pas de droit de réponse. Oh. Ça va jeter de l'huile sur le feu. Bon, ça a été provisionné? Ouais. Mais c'est quoi en fait les effets indésirables? C'est quoi la taxie? Et si tu en prends en dose normale? Mais depuis quand vous le savez? Et depuis tout ce temps, vous l'avez pas retiré du marché? Ça va chercher dans les combien en chiffre d'affaires? Ah oui, quand même. Ok. Ouais. Alan, nous t'attendons tous. Oui, j'arrive. Une seconde. Dennis? Oui. Ils sont au courant depuis 2 ans et demi. Oui. Oui, un rapport interne. Mais les effets indésirables ne sont pas formellement établis. Aucune mesure de précaution. Ils n'ont rien provisionné en réserve, rien signalé en rapport annuel. Démarche saccadée, vertige, problème d'équilibre. En gros, t'as l'air bourré. Près d'un demi-milliard en chiffre d'affaires. Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que tu lui as conseillé? Oh, nier. Il voulait publier un droit de réponse, cet idiot. Il n'est pas question d'entrer là-dedans. D'un autre côté, si on voit que l'affaire prend de l'ampleur, on pourra faire un communiqué de presse. Genre, c'est de l'intox, ça a été divulgué exprès 2 semaines avant la Géo. Non, il va me rappeler. Ok. Quentin Ravelli, est-ce que le problème n'est pas dans la vraie disproportion de moyens? D'un côté, on a des multinationales qui sont plus puissantes que des États, et de l'autre, des autorités de sécurité qui ont à peine 40 secondes pour lire des tonnes de papiers. Et quand je dis des tonnes, c'est pas une métaphore. Ah oui, ça c'est assez fou, c'est-à-dire qu'il y a de façon systématique une impossibilité à lire tout ce qui est produit par l'industrie pharmaceutique sur le sujet. Et si vous imaginez la quantité de travail que ça suppose juste pour lire et comprendre dans le fond toute la machine statistique qui a été mise en œuvre juste pour un petit essai clinique, vous imaginez bien que quand c'est des dizaines de multinationales qui envoient régulièrement des sommes de paperasse, alors maintenant c'est plus des camions Ben qui arrivent à l'avance du médicament avec des liasses et des caisses de dossiers, mais c'est quand même énorme. Ils n'ont pas le temps. Il faudrait quelques secondes, effectivement, pour évaluer des quantités d'informations scientifiques pour lesquelles il faudrait en fait des mois de travail. Les fonctionnaires chargés d'évaluer le médicament n'ont pas les moyens de le faire. Et pourtant, l'argent, justement, est disponible, puisque ça génère des mannes financières particulièrement importantes. Soigner ou vendre ? Alors, ma femme était responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital de Garches, qui avait été transférée d'Avicenne à Garches 10 ans plus tôt, après un combat assez violent, puisqu'on déjà, ils voulaient la fermer. Enfin, Gérard Delépine. Ce que j'oserais appeler les forces obscures qui gouvernent la paix et notre politique de santé. Hein. On voulait nous fermer ce service depuis 30 ans, tout simplement parce que nous combattons les essais thérapeutiques systématiques. Nous ne sommes pas contre les essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques sont nécessaires au progrès de la science, c'est vrai, mais encore faut-il voir de quoi on parle. Si c'est un essai thérapeutique qui compare deux traitements pour voir quel est le meilleur traitement pour le malade, c'est un essai éthique. Si par contre cet essai n'a que pour but d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit qui ne vaut rien, c'est un essai non éthique. On a eu le malheur de poser la question en congrès international, il y a 20 ans, en 2000 précisément, est-ce que les essais sont utiles aux malades ? Sur une maladie qu'on connaissait vraiment parfaitement, qui était l'ostéosarcome, et c'est passé comme une lettre à la poste. Parce que ce n'était pas mes résultats que je vous donnais. C'était la littérature, ce qu'on appelle une macro-analyse, la compilation de la littérature, de tous les articles, qui démontrait que si vous étiez dans un essai thérapeutique, pour un ostéosarcome non métastatique, ce que j'avais ciblé, vous aviez en gros 20% de moins de chances de guérison que si vous étiez en dehors d'un essai dans un centre qui appliquait à l'ancienne. Et personne n'a démenti ça. On ne peut pas le démentir, c'est une réalité. Ça d'ailleurs a fait l'objet d'un article dans la revue Cancer. Mais par contre, quand on a publié ça, on l'a mis sur notre site qu'on faisait, toute notre communication nationale ou nationale, on les mettait sur le site du service officiel de la paix. Et là, les gens de Gustave Roussy sont grimpés au rideau en disant on ne peut pas laisser dire que les essais thérapeutiques font au détriment des malades. Ce qui est simplement les statistiques, j'y peux rien. Et donc, ils ont commencé une campagne de diffamation épouvantable et on ne comprenait pas du tout pourquoi on nous racontait les histoires invraisemblables sur nous. Parce qu'au début, on pensait que c'était la simple jalousie. On n'avait pas compris. Jusqu'au jour où les whistleblowers internationaux de Genève, ce qu'on appelle les donneurs d'alerte, a téléphoné à mon épouse en lui demandant de participer à une demi-journée de la recherche européenne dont le thème était « Éthique et recherche ». Alors, lui, mais pourquoi? Là, ils lui ont dit, nous avons un petit peu vu ce qui se disait, et vous êtes en fait une donneur d'alerte. Si vous comprenez pas ce qui vous arrive, cherchez l'argent, vous comprendrez. Oh, elle n'aime pas ce problème d'argent, ça n'a jamais été son truc, c'est toujours moi qui fais les comptes, elle veut pas en entendre parler. Bon. Donc, c'est moi qui me suis chargé de cette côté, de traquer un peu l'argent. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai réalisé qu'en fait, le business des essais thérapeutiques, c'est plusieurs milliards de dollars chaque année. Donc, sans le vouloir, je mettais en question un business extrêmement rentable. Et là, j'ai effectivement eu peur. Les ennuis, ça peut être comme en France. En France, c'est feutré. Donc, on vous décrédibilise, on ferme votre service. Bon, tout est possible. Alors, je ne fais pas partie de la théorie du complot, donc je ne dis pas que c'est vrai du tout, mais d'autres l'ont pensé pour moi. Il y en a beaucoup. Je le vois bien sur mes bases de données. Et je vois surtout les personnes. Derrière les chiffres. Combien ? Je suis coincé tant qu'on me le demande pas. Faudrait que ça vienne de plus haut. Quelqu'un peut faire en sorte qu'on me les demande ? Je suis coincé de partout, moi, avec cette condamnation. Mais dites-vous que vous posez la bonne question. Il n'y a pas de bonne question sans la réponse. Il faut sortir les chiffres, là. Si l'industrie pharmaceutique ne crée plus rien depuis environ 15 ans. Ça ne les intéresse pas. Les nouveaux produits sont en général développés par des start-up qu'ils rachètent. L'industrie pharmaceutique est devenue avant tout un instrument de propagande et de pouvoir. Donc c'est des marchands, ils vendent. Et ils vendent le plus cher possible. Et pour ça, ils ont tellement d'argent, vous avez une idée quand même du budget global. C'est 1000 milliards de dollars annuels. La moitié du budget de la France, c'est le chiffre d'affaires des 9 plus grands laboratoires, ce qu'on appelle les Big Pharma. Au niveau mondial, je dis. Et ils distribuent 80% des médicaments qui existent. Donc c'est vraiment énorme. Et cette puissance financière fait qu'ils consacrent un peu moins de 10, entre 5 et 10% à la recherche. Alors ce que je donne, c'est des chiffres que tout le monde peut vérifier, puisque c'est dans les comptes des sociétés. Hein, pour attirer leurs actionnaires, ils disent. Alors ils mettent développement et recherche, pour camoufler le faible chiffre de recherche. En fait, 5% de recherche. La plupart du temps, ça dépend. Je dis entre 5 et 10. Et les 15 à 25% de développement et recherche, c'est avant tout du développement. Qu'est-ce que c'est que le développement? C'est la commercialisation. C'est la pub, les petits cadeaux qu'on fait aux médecins, les congrès qu'on paye, les sociétés savantes qu'on achète, puisque vous savez que 80% du budget des sociétés savantes actuellement, c'est l'industrie pharmaceutique. Ce qui explique que certaines sociétés savantes viennent au secours de Sanofi en disant « il faut absolument faire le vaccin un tel hein, » régulièrement, simplement parce qu'ils vivent de ces big pharma. Ils achètent les experts, ils achètent les ministres. La Sanofi a été un des plus gros contributeurs à la dernière campagne électorale aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'un labo va payer une campagne électorale? C'est qu'il en attend des retours d'ascenseur, bien entendu. En France, on ne sait pas. En France, jamais. Vous avez bien connu. Dans notre livre, nous ne disons pas la vérité, nous disons en dessous de la vérité. Nous ne parlons que de la vérité démontrable. Qu'on ne puisse pas nous traîner en procès. Si on traîne en procès, ça nous fera de la pub et on gagnera. Parce qu'on a les documents derrière. Mais donc, on est obligé de se limiter dans ce qu'on dit. Malheureusement, souvent, la réalité dépasse la fiction dans le mauvais sens. Les laboratoires pharmaceutiques, ou plutôt les compagnies pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique est une des industries les plus puissantes financièrement sur la planète. Il n'y a guère que le secteur bancaire assurantiel et l'industrie pétrolière qui soit plus puissante en termes de pouvoir financier. Mikael Borch-Jacobsen, vous avez coordonné un ouvrage collectif intitulé « Big Pharma, une industrie toute puissante qui joue avec notre santé ». Et vous y montrez des exemples d'effets secondaires de certains médicaments. On a des coupe-faims qui peuvent noyer les poumons, on a des antidépresseurs qui peuvent rendre criminels et suicidaires, certains médicaments contre la ménopause qui sont cancérigènes, et des antidiabétiques qui peuvent rendre cardiaque. Alors, tous ces effets toxiques ne donnent pas envie d'avaler la pilule. Ça dépend. Peut-être que ces mêmes médicaments ont des effets bénéfiques. Les laboratoires pharmaceutiques sont des compagnies commerciales qui veulent maximiser les profits de leurs actionnaires. Et donc, évidemment, dans la mesure où cette industrie fabriquent des médicaments qui sont censés être bénéfiques, ils vont essayer de chercher des médicaments qui effectivement fonctionnent. Mais dans les cas où ils se trouvent dans une situation où leur médicament comporte des effets négatifs, ils vont évidemment tout faire pour ne pas en parler. Alors ce que vous expliquez dans cet ouvrage, c'est que même quand un laboratoire pharmaceutique perd un procès, en fait il reste gagnant, d'une part à cause de tout un système de brevets, et d'autre part parce que, indirectement, ça fait monter son action en bourse. Il faut bien voir que quand il y a une alerte à propos d'un médicament, donc quand on commence à se rendre compte que ce médicament a des effets secondaires négatifs, à ce moment-là, se met en place tout un processus qui prend très longtemps. Il faut d'abord qu'il y ait peut-être que des lanceurs d'alerte commencent à siffler, comme on dit. Et avant le moment où les agences sanitaires, les pouvoirs publics, les médias obtiennent de la compagnie qu'ils arrêtent la production de ce médicament, il se passe des années, parfois il s'agit même de décennies. Vous imaginez bien qu'entre le moment initial et le moment final, la compagnie aura continué à vendre ce médicament, aura donc fait tous les bénéfices, retiré tous les bénéfices qu'elle pouvait du médicament, et à la fin, bon, bah, de toute façon, le brevet sera arrivé à échéance, donc la compagnie aura soutiré, si j'ose dire, à cette molécule tous les bénéfices qu'elle pouvait, et l'amende éventuelle qu'elle sera obligée de payer, disons, aux instances gouvernementales et sanitaires, sera négligeable par rapport aux bénéfices qu'elle aura générés sur une période de 8, 5, 10 ans. Aussi, au regard de tous ces éléments cliniques et pharmacologiques préoccupants, il me paraît raisonnable de soulever la question d'un éventuel retrait du médiateur. On ne suspend pas une autorisation de commercialisation comme ça, qu'est-ce que vous croyez? C'est d'une toxicité très inquiétante. Ce médicament est très répandu, il faudrait peut-être... Madame, je vous interromps. Nous ne prenons en compte aucune opinion personnelle. Je vous remercie de votre exposé. Nous allons nous concerter et passer au dossier suivant, qui est une préoccupation bien réelle. Un des multiples exemples de scandale pharmaceutique, c'est celui de ce qu'on appelle la suicidalité, c'est la tendance suicidaire provoquée par les antidépresseurs, qui, dans certains cas, provoque ce qu'on appelle de l'akathisie, c'est-à-dire une sorte d'agitation psychique incontrôlable, qui amène très souvent les gens à se suicider. très vite. Quand je dis très vite, c'est quasi instantané, c'est une question de un ou deux jours. Les gens passent à l'acte et se suicident. Et éventuellement, tuent des gens de leur entourage. Dans les archives de Pfizer, de Lilly, etc., il y a eu des essais cliniques où il était tout à fait clair que chez certains des cobayes qui participaient aux essais cliniques, il y avait eu des cas d'acathisie et de suicide qui avaient été redécrits en agitation psychique ou tout simplement, on disait, ben, les gens ont quitté l'étude. Ils se suicidaient, ils quittaient l'étude, quittaient l'essai clinique. Donc, il y a eu, dans ce cas-là, une véritable opération de dissimulation de ces effets secondaires très négatifs, qui prenait par exemple la forme, c'est normal que des déprimés se suicident puisqu'ils sont déprimés. Oui, même chez des gens non déprimés, a priori non déprimés, ces médicaments pouvaient provoquer des troubles de ce type. Donc il a fallu attendre la fin des années 90, début des années 2000, pour que véritablement la chose éclate au grand jour, essentiellement en Grande-Bretagne, parce qu'il y a eu une émission de journalisme d'investigation britannique, à la BBC, qui a fait une série d'émissions là-dessus. Et là, véritablement, les témoignages ont commencé à affluer et on s'est rendu compte de l'énormité du problème. La logique industrielle de ces compagnies les amène à placer le profit avant tout. Et donc, le marketing suit automatiquement. Le marketing, c'est la science des marchés, la science de la création de débouchés commerciaux pour un produit. Donc voilà. On est devant une affaire criminelle, oh ! Des mecs, ils s'en foutent plein les poches sur le dos de la santé des gens. Si le système est pourri, c'est bien à nous, médecins, de nous battre pour que ça change. C'est vrai, Marie-Othine Berthelat-Geffrand, en France en particulier, les questions de santé demandent vraiment une certaine expertise. Et aussi bien au niveau du personnel juridique que politique, on dirait qu'il y a des vraies lacunes sur ces questions-là. Quand vous avez une affaire de santé publique, ça peut être pénal, donc le pôle santé est pénal, ça peut être civil, par assignation pour chaque victime, ça peut être administratif, si on met en cause l'État. Et à partir des premières affaires, c'est-à-dire à partir du sang contaminé pratiquement, il y a eu des institutions, si vous voulez, comment je peux les appeler, pas de dégagement, mais parallèles d'indemnisation. Bon, l'indemnisation, c'est quelque chose de bien. Par exemple, pour l'hormone de croissance, ça a été très, très tardif. Pour le sang contaminé aussi, il y a eu la création de fonds d'indemnisation. Parce que ça commence toujours par quelques victimes. Je me souviens du sang contaminé. Alors là, le commencement n'était pas glorieux. Une plainte d'un hémophile au parquet de Paris. Il n'y avait évidemment pas le pôle santé dans les années 80, c'était même pas 90. Et classement sans suite du parquet, infraction non caractérisée. Avec une petite enquête de police de 3 ou 4 feuillets. Donc, et ensuite, il y a eu une proposition d'indemnisation des hémophiles. Alors, à l'époque, c'était 5 000 francs. Je ne sais plus combien ça fait de faire 800 euros, quelque chose comme ça, avec l'interdiction de faire une procédure, notamment pénale, procédure pénale ou civile. Il y en a qui ont accepté, et il y en a qui n'ont pas accepté, qui ont été voir un avocat, c'est 3 autres hémophiles, avec un avocat la veille de la prescription, pratiquement, s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris. C'est une possibilité quand il y a un classement sans suite, ou même d'y aller directement après 3 mois et de la plainte, possibilité d'accéder à un juge d'instruction. Donc c'est comme ça que le premier dossier qui a fait l'objet d'un procès, c'est la tromperie concernant Monsieur Garetta et 2 autres personnes. Donc, et le juge d'instruction qui a instruit ce dossier a été muté, sur sa demande, et moi j'ai récupéré le dossier des hémophiles qui ne voulaient pas de ce délit d'épicier, comme il l'appelait, et tout le dossier des transfusés. Et là, le dossier des transfusés, ça a été vraiment un travail considérable, avec des dossiers individuels de santé, chaque dossier individuel, en même temps que le dossier de santé publique, avec pourquoi le retard du test, ça a été quelques années de travail. Quand il y a des plaintes au pénal, il y a toutes sortes d'institutions, de fonds de garantie, de fonds d'indemnisation ou d'autres institutions, pour indemniser, mais seulement indemniser. D'une société de responsabilité qu'on devrait avoir, on a maintenant une société assurantielle. On vous paie et n'allez pas voir plus loin. Et ça, c'est dans tous les dossiers. C'est dans tous les dossiers. En tout cas, ceux que j'ai instruits. Après le retrait du médiateur, ils vont recenser tous ceux qui en ont consommé. Et ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça? Pour des gens comme moi? Oui. Je vous le promets. Le problème, c'est qu'avec un budget pareil, les Big Pharma ont pris le contrôle des agences censées les contrôler. Que ce soit l'agence européenne ou que ce soit l'agence américaine, la FDA. Alors, ils ont eu un argument officiel, c'est il faut que les malades disposent le plus vite possible des nouveaux médicaments formidables. Ça, c'est l'argument officiel. La réalité, c'est qu'ils ont agi sur le pouvoir directement et sur le président des États-Unis, le médicament TAC, ils ont modifié profondément la FDA. Food and Drug Administration, c'est l'organisme FDA, qui, oui. Oui, américain qui délivre en fait l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Qui a été créé à la suite de scandales sanitaires. Hein. C'est à la suite d'un sirop antibiotique qui avait tué quelques centaines de personnes aux États-Unis. La population a dit c'est pas supportable et on a créé la FDA. De la même manière que l'Agence française du médicament, c'est après un scandale sanitaire. Et bon. Et alors, chaque pays s'était doté finalement d'une agence qui devait assurer la sécurité sanitaire des médicaments, c'est-à-dire vérifier que le médicament était efficace, première chose, et deuxièmement, n'était pas toxique, ou très peu toxique, son toxicité était contrôlable. Et ça a fonctionné pendant quelques années. Et puis, ça s'est heurté de plein fouet aux intérêts des laboratoires. Pourquoi ? Parce que le laboratoire, il a une durée de brevet qui est de 20 ans, en standard. Et le brevet part à partir du moment où ils ont déposé la demande de brevet, et n'est rentable pour eux qu'à partir du moment où ils ont autorisation de mise sur le marché. Donc s'il y a 4 à 5 ans de formalité de mise sur le marché, pour eux c'est 4 à 5 ans de perdu d'exclusivité. Or à partir du moment où ils n'ont plus l'exclusivité du brevet, il y a les génériques qui apparaissent et les prix doivent revenir à la normale. Ce que j'appelle un prix anormal, moi qui suis un homme du siècle précédent, on étudie combien coûte le médicament à développer, combien il coûte à fabriquer, on rajoute sa marge. Ça c'est un prix normal. Or le commerce international ne joue pas du tout sur les prix normaux. Le prix actuel, c'est le prix maximum que le client est prêt à payer. Et c'est totalement dramatique lorsque ce n'est pas le client lui-même qui paye. Donc quand c'est l'État qui paye, le Français vous dit « ça me coûte rien, le médicament me coûte rien ». Et donc il se désintéresse du prix. Et on arrive à des prix des médicaments qui sont à 5000 euros le mois. Et comme c'est très cher, les gens ont tendance à croire que c'est bon. Mais c'est faux. Au contraire, on va vous faire une publicité d'enfer parce que c'est très cher et ça apporte énormément d'argent. Alors, un petit exemple, le Solvadi. Alors, aux États-Unis, ça revient à peu près à 80 000 dollars le traitement. Notre ministre de la Santé précédente s'était glorifiée d'avoir fixé le prix, puisque je vous rappelle que c'est le ministre de la Santé qui fixe le prix par l'intermédiaire du comité ad hoc. Hein, ce n'est pas officiellement, ce n'est pas le laboratoire qui fixe le prix. C'est le ministre, c'est de la responsabilité directe du ministre d'accepter tel ou tel prix. Elle s'était glorifiée. Nous, c'est 40 000 euros seulement. Ces Américains sont assez fous pour le payer 80 000 dollars. Bon, très bien. Sauf que l'Égypte, c'est 800 dollars. 800 dollars. Et le coût de revient de ce médicament. Combien coûte le Solvadi à fabriquer? 80 dollars. Je ne me trompe pas, c'est une étude américaine dont je peux vous donner référence. C'est parfaitement prouvé. Autrement dit, ils ont une marge qui est de 99%. Enfin, j'estime que cela n'est pas raisonnable. Dans ce type de dossier, il y a toujours trois sujets. Il y a d'abord les lobbies qui sont intéressés. Regardez, sans contaminer, c'était Pasteur qui n'était pas prêt alors que Abbott était prêt. Et on a retardé le test, c'est ça le pénal dans le sang contaminé. C'est les 4 mois pendant lesquels le test a été retardé en réunion interministérielle du 9 mai 85. Donc on a retardé ce test Abbott qui, sous prétexte qu'il n'était pas très fiable, enfin, valait même mieux avoir un test qui avait des difficultés que pas de test du tout. Parce que vous aviez un accident de la circulation dans Paris au mois de juin 85, vous avez pas mal de chances pour être transfusé avec des produits contaminés. Quant aux hémophiles, il suffisait d'un lot contaminé dans le plasma, enfin dans la cuve des produits anti-hémophiliques pour contaminer tout le lot, quoi. Donc malheureusement, il y a eu aussi des hémophiles contaminés dans cette période-là. Et le souci dans ce dossier-là, c'est que le parquet, qui ne souhaite pas ce type de dossier au pénal, pour eux, ça n'est pas du vrai pénal. Le parquet m'a toujours refusé dans tous les dossiers, à commencer par le sang contaminé, ce qu'on appelle la saisine globale, c'est-à-dire la saisine de toutes les victimes, sans que les victimes soient obligées de se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction ou de se constituer partie civile avec un avocat la plupart du temps. Donc il faut déjà payer l'avocat, parce que le reste est gratuit, devant le juge d'instruction. Donc c'est une volonté de ne pas traduire ces dossiers en procès. Et vous voyez aujourd'hui avec l'amiante que cette volonté perdure. Et c'est typiquement français d'après vous ? C'est typiquement français. Je vous donne l'amiante. L'exemple de l'amiante en Italie et l'amiante en France. La différence entre l'Italie et la France, c'est l'indépendance de la justice. En France, on ne l'a pas, ça c'est sûr. Hein. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Vous croyez sérieusement qu'une petite unité comme la nôtre a l'air pour jeter un pavé pareil dans la mare ? La guerre aux méchants labos, c'est ça ? Tu vas te casser le dos. En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Alors, ce qui m'inquiète, et je ne suis pas du tout le seul à être inquiet, hein, je le montre dans le livre, c'est qu'on met de plus en plus souvent sur le marché des médicaments qui sont soit peu utiles aux malades, je n'ai pas dit qu'ils étaient inefficaces, ils sont un tout petit peu efficaces, mais pas suffisamment efficaces pour être utiles aux malades, ou trop toxiques. Et on le fait à la suite de ce qu'on appelle d'études pilotes, hein. Le MA, c'est les pilot studies, qui sont ridicules sur 150 malades suivis 3 mois. Il faut revenir aux essais qu'on faisait jadis. On faisait différents essais, dont les essais de phase 3, qui étaient, on comparait le médicament nouveau au traitement qui existait sur le marché avant. Il fallait qu'il démontre qu'il était au moins aussi efficace que les médicaments d'avant pour être mis sur le marché. Or là, c'est plus du tout le cas. Donc c'est une différence complète, c'est au lieu de guérir, maintenant, l'industrie prétend qu'elle va faire passer la chronicité des maladies. C'est donc déjà un abaissement très grave des objectifs. Donc à votre avis, Gérard Delépine, à force de vouloir vendre plutôt que de soigner, les laboratoires pharmaceutiques oublient l'intérêt du patient ? L'intérêt du patient n'a été pour les laboratoires pharmaceutiques qu'un argument de vente. Ils s'en sont toujours moqués. Ce qui compte, c'est l'intérêt des actionnaires. Alors, on parlait de recherche. Il faut savoir que les bénéfices des laboratoires, c'est quelque chose de considérable par rapport au reste de l'industrie. Quand l'industrie pétrolière sort 5% de bénéfices nets, elle est très heureuse. C'est entre 3 et 5, selon les années. L'industrie du médicament, c'est entre 20 et 25% de marge brute, de bénéfices nets. Et qu'est-ce qu'ils font de ce bénéfice net ? Alors, leur argument principal, je vous le dis tout de suite, c'est « faites-nous faire des bénéfices, car les bénéfices d'aujourd'hui seront les médicaments de demain ». C'est leur argument. Ça, c'est un mensonge pur. Les bénéfices d'aujourd'hui sont les dividendes des actionnaires de l'année prochaine. Et effectivement, on est arrivé que 100% des bénéfices de l'industrie pharmaceutique sont reversés aux actionnaires. Certaines firmes font 105%, parce qu'ils vendent des produits pour verser davantage de bénéfices aux actionnaires. Alors pourquoi ? Tout simplement, à la tête des grands laboratoires pharmaceutiques, ce ne sont plus des médecins, ce ne sont plus des chercheurs. Ce sont soit des publicistes, soit des financiers. Or, il faut savoir que dans les années 2000, les plus hauts salaires, par exemple de Suisse, parce qu'on sait en Suisse, c'était les banquiers. Les patrons de banque avaient des salaires considérables qui étaient de l'ordre de 2 à 3 millions de francs suisses par an. Mais 5 ans plus tard, ce n'étaient plus les banquiers, c'était le directeur du laboratoire suisse. Et lui, c'était 40 millions de francs suisses. Donc il a fait passer son salaire de 1 à 10 par rapport au salaire des banquiers. Pour vous donner l'inversion de la hiérarchie des valeurs. C'est des sommes qui dépassent les entendements. J'oserais dire qu'ils sont immorales. Et qui ne correspondent pas du tout, en tout cas, au service qu'il rend, sauf au service qu'il rend aux actionnaires. Éthiquement, c'est discutable, mais ce n'est pas illégal. Par contre, ce qui est tout à fait scandaleux, et là, c'est là-dessus, c'est sur... c'est pas normal qu'ils corrompent les agences censées les contrôler et qu'ils fassent la pluie et le beau temps dans l'agence qui est chargée par l'État, par les États, puisque c'est l'EMA, hein, l'European Medical Agency. En France, maintenant, ce n'est plus l'agence française qui délivre l'autorisation. Elle est obligée d'entériner les décisions qui ont été prises par l'agence européenne. Donc c'est l'agence européenne, European Medical Agency, qui délivre les autorisations et qui essaie de faire mieux encore que la Drug and Food Administration. Il y a une certaine compétition entre les deux systèmes. Moi, j'irai plus vite que vous à accepter tel médicament sans regarder beaucoup comment il marche et s'il est dangereux. Bruno Toussaint, Pour ce qui est de l'influence sur les prescripteurs, sur le médecin, de nos jours, il y a encore la visite médicale, bien sûr, mais la pression des firmes se concentre de plus en plus sur les leaders d'opinion. C'est pas nouveau que les firmes pharmaceutiques mettent en avant des personnalités qui leur sont favorables ou favorables à leurs produits. Mais c'est de plus en plus important. Ce qu'on voit en France en particulier, c'est que la visite médicale diminue chez les médecins généralistes, dont de plus en plus sont sensibles à l'écoute de ce que dit le Formadep et sont de plus en plus au clair, on va dire, de la notion d'influence et de plus en plus ils savent que même les petits cadeaux, peut-être parfois surtout les petits cadeaux, les petits gadgets, les petits stylos, les petites bricoles, ça fait de l'effet, ça crée et ça entretient une sensation diffuse et souvent inconsciente de redevabilité. Ce qui fait que le médecin, quand il est fatigué, au moment de choisir entre tel ou tel médicament, il choisit plutôt celui-là parce qu'il a un vague souvenir, parfois même inconscient, hein, souvent d'ailleurs, que « ah bah oui, là, il était sympa, et je les ai vus, ils m'ont donné ça ». Enfin, bref, là aussi, les études montrent que malgré tout ce que rationnellement on peut se dire « mais non, je garde mon libre arbitre », etc. Bah oui, mais en pratique, il y a des influences inconscientes et les petits cadeaux, ça influence beaucoup. Ces enquêtes sur la personnalité des médecins va même jusque, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage La stratégie de la bactérie, c'est-à-dire que si à un moment donné, comme il s'agit d'humains, le visiteur médical devient un peu ami avec le médecin, alors du coup on va le réaffecter à un autre secteur pour qu'il puisse pas devenir une sorte d'allié contre le laboratoire. Oui, c'est exactement ça. C'est un métier qui devient quelque chose de très sensible pour l'entreprise. Et donc, on les change, on les mute. On leur dit, bah voilà, tu travaillais à Rouen, tu iras plutôt sur tel terrain à Brest maintenant ou ailleurs pour rencontrer d'autres médecins. En fait, dès que le contrôle de l'information médicale, le contrôle de ce qu'il y a vraiment dans le médicament, ou ce qu'on peut dire, donc dans tous ces résultats d'essais cliniques, échappe à l'industriel, l'industriel, donc la direction de l'entreprise, essaye de la rattraper. Moi, je suis tombé sur la fameuse opération Petit Prince chez Sanofi Aventis. Donc ça peut être un peu infantilisant dans le sens où on récupère cette vieille histoire de Saint-Exupéry pour en faire une sorte d'allégorie managériale à vocation promotionnelle pour vendre plus de médicaments et avoir les meilleurs discours des meilleures visiteuses médicales. Ça paraît comme ça étrange, mais c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire chaque visite doit être rentable. Pour comprendre qu'en réalité c'est autre chose qui se joue, il faudrait avoir accès à toute la série des essais cliniques, parfois depuis des dizaines d'années. C'est ce qui passe dans le cas du Mediator. Si on présente un médicament qui est d'abord un antidiabétique comme un coupe-faim, comme quelque chose qui permet aux gens de maigrir, et que les essais cliniques permettent de le penser, et ne montrent pas que c'est vraiment dangereux pour le cœur pendant des dizaines et des dizaines d'années, aucun médecin ne peut savoir tout seul quel est le risque réel. Regarde ça. J'en ai reçu de la France entière. Et là, une femme qui a perdu sa sœur, morte parce qu'elle voulait rentrer dans sa robe de mariée. Elle a envoyé une photo. Quant à Ravelli, on peut revenir juste sur l'explication de cette opération Petit Prince où il s'agit justement d'apprivoiser le renard. Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours été surpris par la créativité sans fin des marketeurs, surtout quand ils ont de l'argent. Et dans l'industrie pharmaceutique, ils n'en manquent vraiment pas et ils sont capables de trouver des choses qui peuvent paraître absurdes ou ridicules au plus grand des mortels. Mais moi, j'étais assez admiratif, avec toute l'ironie que ça suppose, de voir qu'on pouvait mettre en place une véritable philosophie commerciale pour convaincre les médecins qui, de plus en plus, sont réfractaires à l'industrie pharmaceutique. Ils ferment leurs portes, ils les reçoivent moins longtemps, ils considèrent qu'ils n'ont pas à avoir d'informations venant de l'industriel. Enfin, il y a une sorte de fronde qui se développe chez les médecins depuis des années, qui est une des explications de la réduction de voilure toujours plus importante du nombre de visiteurs médicaux. Et pour faire face à ça, cette situation de crise d'image, comme on dit, une des façons de faire, c'est d'amadouer les animaux rétifs que sont devenus certains médecins. Et donc ça passe par apprivoiser le renard. Ça, c'était un des cadres dirigeants de Sanofi Aventis qui m'avait raconté cette parabole dont il était assez fier. Et ça consiste du coup à parler gentiment au médecin renard et à lui parler de choses qu'il aime, la science, la médecine. Et progressivement, au bout de quelques mois de visite, commencer à faire ce qu'on appelle la mention produit. Donc à mentionner enfin l'enjeu réel de toutes ces visites. Et progressivement, comme ça, on tisse des liens avec les médecins qui sont des liens réellement importants, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire on est loin d'une image qui serait fondée exclusivement sur de la corruption. Je pense que, par ailleurs, les choses ont beaucoup évolué de ce point de vue-là, mais elles sont d'autant plus difficilement détectables que la corruption est moins évidente. C'est toute cette machine, en fait, à influencer la médecine qui est très stratifiée, qu'il faut avoir en tête, et pas simplement des relations de corruption comme si des valises de billets transitaient d'une main à l'autre. C'est plus compliqué et plus difficile à déceler. Éventuellement, d'ailleurs, certains labos créent une chaire spécifique, ils payent une chaire de médecine. Vous avez par exemple l'exemple de la chaire de vaccinologie qui a lieu à Lausanne, pour Madame Sigrid, qui a été créée par le laboratoire qui faisait les vaccins. Et qui, après, bien sûr, elle, c'est l'experte, puisque c'est le professeur des vaccins. Donc, elle peut en parler au niveau mondial en disant que c'est très bien. On ne sait pas pourquoi, elle oublie toujours les complications, mais c'est comme ça. En France aussi, il y a des chaires financées entièrement par des labos ? Pas à ma connaissance. Attention, pas entièrement par les labos. Par contre, beaucoup, énormément, dans l'université... Moi qui suis un vieux, donc, disons dans les années avant 68, un universitaire, un professeur d'université qui se vendait au privé, c'était la honte. C'était le mercenaire, c'était l'horrible. Actuellement, à l'université, si vous n'avez pas une convention avec le privé, vous êtes considéré comme le dernier des incompétents. Donc vous voyez le renversement complet des valeurs. On est arrivé à cette chose fantastique en France que je suis invité par un laboratoire pour un repas, je dois le déclarer. Il m'offre un stylo qui vaut plus de 10 euros, je dois le déclarer. Il doit le déclarer. Ça ne me choque pas. Je vais en congrès, il me le paye, je dois le déclarer. Tout ça, on déclare. Par contre, si je suis advisory du laboratoire, conseiller, et si je signe un contrat commercial avec ce laboratoire qui m'assure 500 000 euros par an, je n'ai pas besoin de le déclarer. Parce que le secret des affaires prime la sécurité sanitaire. C'est le décret actuel qu'a fait Marisol Touraine. Alors quand on nous dit qu'elle était parfaitement honnête et compétente, j'ai quelques doutes. On pourrait parler de la façon dont tout le paysage psychiatrique a été remodelé entre les années 60 et maintenant. C'est-à-dire d'abord on cible l'angoisse avec des benzodiazépines, ensuite on passe aux antidépresseurs et ensuite on passe aux troubles bipolaires. Parce que là, c'est une histoire qui montre très bien comment la logique industrielle détermine qui va être diagnostiqué comment à telle époque. À partir de la fin des années 90, les labos qui avaient, d'une certaine façon, perdu le marché de la dépression, puisque la dépression n'était plus intéressante, les molécules antidépressives arrivaient à bout de brevet, ces labos ont décidé de lancer l'idée que, en fait, tous ceux qui étaient jusque-là diagnostiqués dépressifs souffraient en fait d'un trouble bipolaire caché. Et donc, on a pu, si vous voulez, en redéfinissant la dépression en trouble bipolaire, donner à des gens qui jusque-là étaient des simples dépressifs, on a pu leur donner des antipsychotiques. Les antipsychotiques, qui soit dit en passant, ont des effets secondaires très très marqués. On devient diabétique, on développe des troubles cardiaques, les gens deviennent obèses, etc., etc. Donc ce sont des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires, qui peuvent se justifier dans le cas de troubles psychotiques graves, mais qui ne se justifient en aucune façon pour traiter la petite dépression courante, le petit trouble de l'humeur courant, etc. Donc là, de nouveau, on voit comment les stratégies commerciales véritablement remodèlent la carte des pathologies. Et ces pathologies sont définis en fonction des molécules et en fonction de la durée de vie, de brevet, si vous voulez, de ces molécules. Le scandale, c'est le prix des médicaments. Tout le monde l'admet, tout le monde le dit, même la Commission européenne en parle, mais c'est des larmes de crocodile. Puisque le prix des médicaments, c'est notre ministre qui le fixe. Et si la négociation est difficile, la bourse refuse de me donner ce médicament, il n'y a pas d'alternative à ce médicament. Très bien. Dans ce cas-là, si ce médicament est vital, s'il n'y a pas d'alternative, il suffit d'appliquer les règles de l'OMS. L'OMS a prévu une licence obligatoire. Lorsqu'un médicament est indispensable à une population pour sa vie, le gouvernement peut suspendre le brevet en émettant une licence obligatoire. Et c'est pour ça, par exemple, que l'Inde paye le dataprime, qui est un anti... c'est pas un anticancéreux, hein, c'est un antiparasitaire. Il paye 10 centimes alors qu'il est payé $700 aux États-Unis. Hein ? Oui. Et que le Glivec, que l'on paye en France 3 000 € et qui est payé environ 5 000 € par mois aux États-Unis, est payé $89. Donc, si l'on veut, on peut parfaitement faire baisser le prix des médicaments. Encore faudrait-il qu'il n'y ait plus du tout de lien d'intérêt ou de corruption dans les appareils d'État. Et mon message, en dehors de « attention, ces médicaments sont potentiellement dangereux, en tout cas n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et de leur innocuité », c'est « ne vous moquez pas du prix des médicaments ». Beaucoup de Français ont dit « c'est ceux qui payent, on s'en fiche ». Et là, ils ont une vue courte, mais c'est triste. Quand on consacre 5 milliards à des choses inutiles, si on accepte des prix pareils, c'est au détriment directement de son quotidien, du petit médicament qui lui est utile tous les jours et qu'il va être obligé de payer de sa poche. Donc c'est un combat non seulement qui intéresse les malades, mais aussi tous les citoyens français, car on vole dans leur poche pour engraisser les actionnaires. Mes clientes seront très bien défendues. Vous savez combien de victimes ont été indemnisées après le drame de l'Isoméride ? Deux. Une seule. Et encore. Après 10 ans de procédure, 10 ans d'acharnement, de torture psychologique infligée par des cabinets d'avocats voyous. Alors, votre place, je la jouerai modeste. Est-ce que vous pensez, Marie-Odile Berthelat-Geffroy, qu'avec maintenant la possibilité en France de faire ces fameuses class action, c'est-à-dire de pouvoir regrouper ses forces pour les victimes contre une cible précise, est-ce que vous pensez que ça va arranger la situation ? Alors, vous me posez la question des actions de groupe. Elles vont être tellement longues qu'il y en a déjà une en ce qui concerne la dépakine. Et moi, je suis sollicitée pour en faire certaines, notamment en ce qui concerne le lien entre la vaccination et l'autisme et d'autres actions de groupe avec des vaccins. Bon, le méningitech, c'est une affaire aussi qui pourrait faire l'objet d'une action de groupe, mais là, c'est le pénal qui a été demandé par l'association de victimes et les symptômes et les pathologies des enfants auxquels on a administré l'un des 21 lots. Il y a 21 lots de méningitech qui ont été retirés en 2014 sur le plan mondial, en Australie, aux États-Unis, dans toute l'Europe. Et ce sont ces dossiers-là qui, à mon avis, sont plus à leur place au pénal, avec la tromperie aggravée, avec les blessures involontaires des enfants qui peuvent même pas aller à l'école, certains, et des dommages assez importants. Bon, il y aura la question du lien de causalité. Mais si on ne demande pas au pénal de procéder à des investigations avec les pouvoirs d'un juge d'instruction ou d'un parquetier, hein, puisque maintenant c'est au parquet, et les investigations, ça peut être des perquisitions dans les laboratoires, des commissions rogatoires avec réquisition. Enfin, on peut aller chercher les documents. C'est ce que j'ai fait dans mes dossiers. Moi, j'avais en fait comme juge d'instruction les pouvoirs que me donnait cette fonction, qui sont les mêmes pouvoirs que dans une affaire criminelle ou dans une affaire de hold-up ou même de vol simple. Donc, c'est la recherche de la vérité, en fait, qui est demandée et la recherche des responsables. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'alerte ? Parce que là aussi, le lanceur d'alerte, c'est une question qui devait être posée au niveau de la création de la haute autorité de l'expertise. Les lanceurs d'alerte ne sont pas entendus, notamment. Et alors, les expertises, les faunées sont donc, c'est aussi une difficulté. Et les lobbies. Ce sont les trois sujets, en fait, dans les affaires pénales, en tout cas, qui sont là pour expliquer les catastrophes sanitaires. C'est quoi votre spécialité à la base ? le droit bancaire et financier. Ah ben, la criminalité en col blanc, ça reste un bon rayon. Bah en fait, pas longtemps après avoir prêté serment, j'ai eu un gros passage à vide. J'ai voulu tout lâcher jusqu'à ce que ma tante me parle de cette affaire là, de tous ces pauvres gens qui ont été empoisonnés depuis des années sans le savoir par une amphétamine maquillée en antidiabétique que leur médecin leur a prescrit, que la sécurité sociale a remboursé à taux plein, consciencieusement. J'ai trouvé ça complètement dingue. Voilà, moi je veux me battre pour des vraies causes comme celle-là. J'ai été confronté très directement à une tentative, j'ose pas dire de corruption, mais en tout cas d'appropriation par un laboratoire. J'avais inventé des prothèses, donc pour éviter l'amputation des malades jeunes. Et c'était un laboratoire, j'avais donné la fabrication à un laboratoire américain, enfin, qui s'appelle Zimmer. Et ils m'ont proposé un contrat. Alors le contrat, moi, ça me plaisait bien, parce que c'était accepter de faire des démonstrations opératoires. Et puis, ils ont fait venir trois avocats des États-Unis pour le jour de signature du contrat. Et j'ai le malheur de lire les choses qu'on me propose à la signature. Et donc, j'ai lu l'intégralité. Et puis, il y avait la dernière clause. C'était la clause de confidentialité. Tous ces contrats avec les médecins sont assortis d'une clause de confidentialité. Et la clause de confidentialité précisait que je ne m'engageais à ne jamais publier d'article sans avoir eu l'accord préalable du laboratoire. Donc c'était l'imprimatur de jadis du Moyen-Âge qui revenait. Et là j'ai refusé à cause de ça, pour garder ma liberté et dire, c'est fondamental. Si la prothèse qui me faisait cassait, j'avais pas le droit de le lire. Mais c'est un contrat très juteux, hein. Dans la famille, c'est pas mon épouse, mais d'autres m'ont reproché de ne pas avoir accepté en disant on aurait été riche. Bon, ben je ne regrette pas. Mais donc j'ai été directement confronté à ce genre de problème, et c'est très insidieux, je veux dire. Ouais, c'était gentil, on ne voulait pas me corrompre, on voulait me payer pour. On me demandait mon silence. Je suis sûr que les conseillers des laboratoires pharmaceutiques signent une clause où ils s'engagent au silence aussi. Et n'oubliez pas que ça, ce n'est pas une plaisanterie, cette clause de silence. Il y a un médecin aux États-Unis qui faisait des essais thérapeutiques pour un produit chez les enfants. Et s'est rendu compte que ce médicament tuait un certain nombre de malades. Très inquiète, elle a été voir le labo en disant « Écoutez, je ne peux pas continuer, ça fait deuxième mort que j'ai. Oui, vous n'avez pas eu de chance. » Et elle dit « Oui, mais je suis obligé d'en faire pareil. »« Ah, mais vous n'avez pas le droit, vous avez une clause de confidentialité. » Elle a quand même publié son article. Elle a été attaquée en justice. Elle était condamnée à 20 millions de dollars de dommages et intérêts envers le laboratoire. Heureusement, la communauté scientifique nord-américaine s'est mobilisée pour elle et a décidé que si le laboratoire poursuivait, plus jamais aucun scientifique nord-américain, canadien et américain, accepterait de travailler pour eux. Ce qui fait que le labo a retiré sa plainte alors qu'il avait gagné le procès. Mais donc, pour vous dire, ce n'est pas des clauses en l'air. Et je rappelle que la loi sur les donneurs d'alerte n'a toujours pas paru en France, on est toujours aussi peu protégé. Enfin, elle est parue, mais elle a été émasculée comme la loi anticorruption en médecine. Michael Borg-Jacobsen, vous avez réalisé, co-réalisé un documentaire intitulé « Maladie à vendre », où là on apprend que les maladies sont un peu comme un phénomène de mode et les laboratoires pharmaceutiques vont inventer des maladies pour pouvoir écouler leurs médicaments. Tout à fait, ça c'est une des techniques marketing utilisées par l'industrie pharmaceutique. En anglais, ça s'appelle le « condition branding ». C'est comment est-ce qu'on gère l'image de marque de telle ou telle condition ou pathologie physique. Par exemple, je ne sais pas moi, le cancer, le diabète, la dépression, etc. Et ça consiste donc à placer le projecteur sur une pathologie quelconque, qui peut être soit réelle, soit plus ou moins imaginaire ou factice. Il y a plein de variations à cet égard. Ça va de la reformulation, du reformatage de l'image d'une pathologie réelle, comme celle de l'impuissance sexuelle masculine. On décide de reformuler ça en termes de dysfonction érectile. C'est ce que la compagnie Pfizer a fait avec le Viagra, en en faisant une pathologie normale, afin de pouvoir vendre son produit. Dans d'autres cas, on vend du Sérafem, c'est-à-dire du Prozac, aux femmes pour atténuer leurs problèmes prémenstruels. Vous avez des informations sur la prochaine maladie à la mode? Parce que ça prend 10-15 ans aussi pour faire avaler le... Moi, je dirais que c'est le trouble sexuel hypoactif féminin. Ça fait depuis des années et des années qu'ils essaient de lancer ça, parce que, bon, Pfizer a réussi un coup extraordinaire avec le Viagra et la dysfonction érectile. La puissance financière de Pfizer repose essentiellement sur le Viagra. Donc, évidemment, d'autres firmes se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec le trouble sexuel féminin? C'est-à-dire l'absence de désir. Mais je dirais que c'est ça la prochaine grande pathologie. Et on va essayer de suggérer à la population féminine que l'absence, même minime, de désir est une pathologie, une véritable pathologie qui peut être guérie grâce à telle ou telle molécule. Là où on voit que le médicament est vraiment un objet particulier, Quentin Ravelli, c'est quand on voit à quel point le marketing est central, puisqu'on peut réaffecter un médicament qui, par exemple, est initialement dévolu à des problèmes dermatologiques, qui d'un coup va servir le lendemain à des problèmes respiratoires. On est quand même dans une société capitaliste, donc dirigée par le profit, et le capitalisme pharmaceutique n'en est qu'une des composantes. C'est ce décalage-là qui fait que on a des scandales de santé publique. Parfois, c'est attribuable à l'esprit machiavélique d'un dirigeant de laboratoire, parfois à de la corruption, mais le plus souvent, je pense que ça se passe de manière plus structurelle et plus complexe. C'est qu'on fait des essais cliniques qui démontrent l'efficacité du médicament dans un marché particulier. Si le marché préexiste à l'indication thérapeutique, on est dans un raisonnement qui privilégie le commerce sur la santé publique, et on a donc des décalages et des conflits entre les différentes valeurs d'usage possibles d'un médicament. La valeur d'usage du Mediator selon Servier, c'est pas celle de la valeur d'usage selon Irène Frachon. Mais Irène Frachon, pour elle, ça a été un combat de nombreuses années pour réussir à la démontrer, cette valeur d'usage réelle, dangereuse, mortelle du Mediator. Et il faut aussi arrêter de voir les choses sous la forme du scandale, parce qu'en fait, ça dédouane tout un ensemble de problèmes médicaux à bas bruit qui existent pour d'autres médicaments. Un exemple intéressant à mon sens, c'est celui des antibiotiques, parce que même si tous les antibiotiques étaient exempts d'effets secondaires, s'ils étaient tous efficaces, ce qui est loin d'être le cas, la façon dont on prescrit et utilisé à une échelle mondiale, c'est-à-dire une situation de surconsommation systématique, fait que ça développe chez les bactéries des résistances. Et donc par un effet darwinien de sélection des avantages biologiques des organismes, on se retrouve avec des bactéries qui sont résistantes à 1, 2, 3, 4, voire à tous les antibiotiques connus, donc c'est les bactéries totorésistantes, et c'est un problème de santé publique majeur. Là, il y a un problème d'usage rationnel, on dit raisonner maintenant du médicament à une échelle mondiale, et on voit que le problème de l'industrie pharmaceutique, c'est pas juste un problème de santé, quoi. C'est la façon dont on utilise et on dirige l'industrie, l'économie en général, et ça se répercute sur la santé. À l'heure actuelle, on sait qu'entre l'Europe et les États-Unis, on a plus de morts liées à ces bactéries multirésistantes qu'au virus du sida actuellement, et les médecins sont souvent sans trop d'arguments face à ça, ils sont un peu démunis. C'était « Soigner ou vendre » avec Mikael Borg-Jacobsen qui a coordonné Big Pharma, une industrie toute puissante aux éditions Les Arènes, Marie-Odile Berthelat-Geffroy, co-auteur de l'ouvrage « Le racket des laboratoires pharmaceutiques » aux éditions Les Petits Matins, Gérard Delépine, co-auteur de « La face cachée des médicaments » aux éditions Michalon, Quentin Ravelli, auteur de « La stratégie de la bactérie » aux éditions du Seuil, et Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue Prescrire. Extrait du film Carnage de Roman Polanski et La fille de Brest d'Emmanuel Berco.